Olivier Gueff, traité du désamour. Introduction. Mais pourquoi désaimer ? L'amour est si doux. Ainsi parle le commun des hommes. Mais non, un amour unilatéral n'est pas doux. Il encombre, et encombre d'autant plus qu'il s'augmente lui-même à mesure qu'il se fait plus impossible. Pourquoi chercher à désaimer ? L'amour est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Ainsi parle le commun des hommes. Mais c'est là une opinion de faibles et d'incapables, qui croient stupidement que l'amour est quelque chose qui nous tombe dessus, dont nous sommes la proie passive, quand il est évident qu'il est le fruit d'une volonté active et créatrice. Dans l'amour comme dans l'art, il s'agit de rien de moins que de configurer un monde. Cela, peu en sont capables. Et si l'amour dépend de nous en tant que nous le créons, il dépend aussi de nous de nous en débarrasser. Il faut de la force au peintre pour crever ou déchirer sa toile, au poète pour jeter ses textes au feu. Il faut de la force au créateur pour détruire ses œuvres. Il y faut mettre de cette espèce de courage pour désaimer. À la vérité, il n'y a que trois voies pour atteindre un pareil objectif. La première est celle de Spinoza, exciter en soi des ferments de haine pour détruire l'amour, autant qu'on le peut. Car seule la passion opposée peut contrecarrer une passion. La seconde, dans le sillage de la tradition psychanalytique, on pourrait l'appeler la voie du transfert. L'amour qui nous encombre, le donner à quelqu'un d'autre. La troisième voie, c'est celle des stoïciens, qui consiste à se dire à soi-même « ce n'est pas une personne que tu aimes, mais l'idée que tu en as ». Voie d'autant plus aisée qu'on n'a plus idéalisé la personne. Ces trois voies se peuvent pratiquer isolément, mais le mieux est encore de les combiner, pour en maximiser l'effet. Ainsi pouvons-nous détruire l'amour en nous, en détruire tout ce qu'on peut par la haine, ce qu'il en reste, le donner à d'autres, ce qu'on n'arrive pas à donner à d'autres n'est jamais qu'amour pour une idée de la personne, non pour la personne. Avantage supplémentaire, l'idée, nous la portons toujours en nous, toujours avec nous. Une idée ne se sépare pas de nous. Ainsi se forme apaisé le couple d'un homme et d'une idée.